qui pourrait s'en rappeler, qui pourrait le deviner, que notre amour a vu le jour dans la brume d'une demi-lune, un mirage du Moyen-Âge, loin de l'époque des enfants sages, où tu étais Béatrice, la belle aux douces cuisses, et dans le conte, moi j'étais Dante, et je chante encore sans honte, sans fin sur les mêmes refrains, des chants qui n'allaient pas loin, mais qui nous faisaient du bien. La la la la la la. Qu'on en dise, dans les bas quartiers maudits d'un vieil Oxford en poésie, on a vu jouer Shakespeare. Je crois que nos sourires inspirent. Il avait l'air un peu timide et demandait à ton candide s'il pouvait prendre en photo son prochain tableau d'un sourire sur cette demi-lune. La la la la la la. Si on s'arrive en retard, que les jaloux sont après nous, nous pourrons fuir n'importe où. La poésie est un pays où l'on invente des rues sans bruit, où l'on se cache au fond d'un lit pendant de longs après-midi. Mais nous aurons l'éternité en rire ou en rêver, une plume de l'encre noire, et on écrira l'histoire d'un soupir.